sa sobriété. Ses ennemis même conviennent qu'il faisait un usage très modéré du vin, et l'on connaît ce mot de Marcus Caton, que de tous ceux qui avaient entrepris de renverser la République, César seul était sobre. Gaius Oppius nous apprend qu'il était si indifférent à la qualité des mets qu'un jour qu'on lui avait servi chez un de ses hôtes de l'huile rance au lieu de l'huile fraîche, il fut le seul des convives qui ne le refusa point, et que même il affecta d'en redemander, pour épargner à son hôte le reproche, même indirect, de négligence ou de rusticité. Il ne montra aucun désintéressement ni dans ses commandements ni dans ses magistratures.